Pimper. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Claude Ponty. Je vais vous raconter l'histoire de Blue, d'Ozalie et du Père Noël. C'est arrivé comme ça. La veille de Noël, après s'être couchée, Ozalie entendit un petit raclement de gorge sous son lit. « Il y a quelqu'un ? » demanda-t-elle. « Il y a quelqu'une ? » redemanda-t-elle. « Oui, » répondit une petite voix. « Qui ? » ?»« Moi. » »« Mais qui, moi ? » ?»« Tu ne me connais pas, » dit la voix. « Bien sûr que non, » répondit Ozalie. « Mais moi, je te connais. Tu me vois, là ?» La voix appartenait à une petite chose en forme de minuscule nuage, comme un duvet de bébé mélangé à une plume d'oiseau-mouche. « Tu me connais ?» demanda Ozalie. « Je suis une bouloche. Et je m'appelle Blu, ça veut dire « flocon de brume de nuages du matin ». J'habite ta chambre depuis que je suis né, et mes parents aussi, et les parents de mes parents. » « Ah !» dit Ozalie. Songeant qu'il était tout de même incroyable que des gens habitent chez elle sans qu'elle le sache. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Ozalie. « Eh bien voilà, pendant que tu rangeais ta chambre et que ton papa passait l'aspirateur, ta maman a bouché un trou de souris derrière ton lit. Mais ce n'était pas un trou de souris, c'était un trou de bouloche, et je ne peux plus rentrer chez moi. Je ne suis pas assez forte pour déboucher le trou, et mes parents sont partis voir ma tante qui attend un bébé, alors... « Tu veux que je débouche le trou ?» demanda Ozalie. « Oui, s'il te plaît. » Ozalie prit dans ses affaires sa perceuse et déboucha le trou. « Tu es forte, » dit Blue, en contemplant le trou. « Voilà, tu peux rentrer chez toi maintenant, » dit Ozalie. « Tu m'as sauvé. Si tu as besoin, appelle-moi, » répondit Blue. « Tu cries dans le trou et je t'entendrai. » C'est alors... Au même moment, en sortant du placard les décorations du sapin de Noël, la maman d'Ozalie tomba de l'escabeau, se cassa une jambe et lâcha la boîte des boules de sapin de Noël qui se fracassèrent toutes sur le plancher. Le temps qu'elle se fasse plâtrer la jambe aux urgences, tous les magasins de boules étaient fermés. C'était trop triste, un sapin de Noël sans boules multicolores. Le Père Noël risquait d'être déçu et de ne pas laisser de cadeaux. Alors, Ozalie s'écria, « Attendez, j'ai une idée, je vais fabriquer des boules dans ma chambre. » C'était si impossible que personne ne lui répondit. Ozalie s'enferma dans sa chambre et cria dans le trou des bouloches. Blue arriva aussitôt et Ozalie lui expliqua son idée. « Bien sûr, répondit Blue, bien sûr que des bouloches pouvaient faire les boules, c'est leur jeu favori. » 5 minutes plus tard, Ozalie sortait de sa chambre avec une boîte pleine de boules de Noël qu'elle accrocha aux branches du sapin. Les bouloches faisaient de très jolies boules, toutes rondes, gris bleutées, aux reflets argentés, lorsqu'on les regardait. Sauf si Ozalie était seule. Alors, elle changeait de couleur, s'illuminait et même sautait de branche en branche en se rigolant marrant. C'était si beau qu'Ozalie se releva la nuit pour les contempler. C'est ainsi qu'Ozalie a rencontré le Père Noël. Elle n'avait pas vu comment il était entré, mais il était là, debout, devant elle, contemplant le sapin plein de rires et d'étincelles. Avec son grand manteau rouge bordé de fausses fourrures blanches, sa barbe qui débordait de partout, son bonnet et sa hotte, incroyablement petites pour tout ce qu'elle contenait. « Père Noël !» murmura Ozalie, qui n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. « Oui, Ozalie, » répondit le Père Noël. « Tu connais mon prénom et je te vois. C'est impossible !» dit Ozalie. « Je connais tous les prénoms de tous les enfants et tu me vois parce que tu es la première personne au monde à être gentille avec les bouloches. » « Ah !» répondit Ozalie, qui ne savait pas quoi répondre. À ce moment, le Père Noël se tourna vers elle, souriant. Rosalie fut stupéfaite. Le Père Noël avait la peau noire. « Tu es noire ?» pensa tout haut Rosalie. « Bien sûr, » répondit le Père Noël, « noire des pieds à la tête. » Tout en parlant, le Père Noël ôta son bonnet et sa barbe moustachue. Ses longs cheveux bouclés crépus se déployèrent autour de son visage. Rosalie, qui allait d'étonnement en surprise et de surprise en stupéfaction, vit que le Père Noël était une femme. À ce moment, les bouloches éclatèrent d'un rire si joyeux, si énorme, qu'Rosalie regarda vers le sapin qu'elles illuminaient de mille couleurs de diamants. Ce qui fit rigolmarrer les bouloches encore plus fort. Entre-temps, la mère Noël était devenue un jeune homme chinois. Puis, à toute vitesse, comme lorsque l'on fait défiler ses photos sur son téléphone, elle prit toutes sortes de visages, de toutes les couleurs, de tous les pays, de tous les temps. « C'est mon secret, je suis qui je veux, » dit la mère Noël, « pour tous les enfants du monde. » Je devrais ajouter « pour tous les petits du monde, car il m'arrive d'être lapin ou chauve-souris ou baleine ou tourterelle. » Rosalie tomba sur ses fesses d'ahurissement. Elle essaya d'imaginer une mère Noël lapin, ou baleine, ou scarabée. « C'est difficile à imaginer, » dit la mère Noël. Et alors que les bouloches sautaient de leurs branches pour venir s'asseoir à côté d'Rosalie, la mère Noël dit « Le mieux, c'est que tu vois comment ça se passe. » Aussitôt, la mère Noël devint une bouloche mère Noël. Et Rosalie aussi. « Mais tu es énorme !» dit Rosalie. « Non, non !» répondit la mère Noël. « Regarde, nous avons toutes la même taille. » Rosalie, la mère Noël, les bouloches avaient toutes la même taille, car toutes étaient des bouloches. Et pour Rosalie, c'était une sensation extraordinaire et nouvelle. Elle se sentait légère, comme un minuscule nuage de duvet de bébé mélangé à une plume d'oiseau-mouche. « Tu peux faire de nous tous des lapins ?» demanda Blue. « Paf !» dit la mère Noël, et les voilà tous changés en lapins, aux grandes oreilles frémissantes. « En éléphant ?» « Paf !» et tout le monde en éléphant. « En hamster, vite, la maison va craquer !» « Paf !» en hamster. « Et en petit cochon rose ?» « Paf !» Blue et Rosalie couinèrent et grognèrent, grognèrent et reniflèrent, comme des petites cochons roses. « Je vais devoir partir !» les interrompit la mère Noël. « Oh non !» s'écrièrent Blue et Rosalie. Mais je dois déposer les cadeaux des autres enfants. Et nous, qu'est-ce qu'on reçoit comme cadeau ? Demanda Blue. La mère Noël reprit sa forme de femme à la peau noire et dit « Pour toi, Blue, un pyjama raconteur d'histoire. Pour ta maman, des lunettes avec détecteur d'aspirateur. Pour ton papa, un livre de recettes de cuisine qui se font toutes seules. Et pour toutes tes amies, c'est un secret. » Et pour Rosalie, pour la maman d'Rosalie, des béquilles qui guérissent les jambes cassées, avec rétroviseur, klaxon et porte-bagages. Pour ton papa, un tablier de cuisine qui ne brûle pas les plats. Et pour toi, Rosalie, j'ai... Soudain, le papa d'Rosalie entra, mal réveillé et tout chiffonné. « Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai entendu des éléphants et des cochons. Je rêve ou quoi ?» En un clin d'œil, les bouloches retournèrent faire les boules de Noël sur le sapin, bien accrochées à leurs branches. La mère Noël déposa les cadeaux d'Rosalie et des parents au pied du sapin, embrassa Rosalie sur les deux joues, enfila son bonnet, attacha sa barbe à moustache sous son nez, sautilla trois fois autour du sapin, claqua des doigts et disparut. Si bien que le papa d'Rosalie ne vit rien et fut certain d'avoir rêvé. Pendant tout le longtemps de toute sa vie, Rosalie ne raconta jamais ce qu'elle avait vécu ce jour-là, car c'était un secret. D'ailleurs, qui l'aurait cru ? Voilà, c'est la fin de l'histoire qui est finie juste pile au bout. Et maintenant, au lit, si vous le trouvez.